C'est lui qui a rendu ceci possible. Si ce n'était pas sa volonté, nous ne serons pas ici. Alors je comprends dès à présent que vous nous avez pardonné plusieurs retards. Je comprends dès à présent que les cœurs sont totalement dans la joie. Je comprends dès à présent que nous pouvons partager ce moment ensemble. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans le cœur de chacun de vous. Amen. Est-ce que vous pouvez donner quelques minutes? Okay. Quelques minutes, peut-être, tout simplement, pour une brève prédication, disons une brève exhortation. Vous savez, le moment comme celui-ci, on peut appliquer sans dire quelque chose concernant le Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu ceci possible. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans vous dire c'est merveilleux. Nous ne pouvons pas vous laisser partir sans vous dire qu'il est puissant, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi dans le nom de Jésus? Alors, besoin de ce moment à tête, rendons-lui grâce. Après qu'on ait rendu grâce, on va dire quelques exhortations. Tout simplement pour ta gloire. Père, tu es fidèle. Au nom de ton nom, au roi de la gloire, au Dieu de ton nom. Tu es puissant, Seigneur, au nez, que nous pouvons croire ou attendre, et ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous nous souvenons quand ceci a commencé, Père. Nous croyons que nous sommes possible. Nous avons espéré en ton secours, au roi de gloire, et tu as amené ici avec notre nom. Et tu as ici. Merci Seigneur pour tous ceux que tu as dépêchés, Père, des différentes raisons, des quatre fois du cabaret, Seigneur. Et pour ceux qui ont bien voulu prendre l'argent, Seigneur, pour honorer ce moment. Nous te disons merci pour Dieu. Père, la suite des événements, Seigneur, est entre tes mains. Nous nous confions à toi, Seigneur, en toutes choses. Pour regarder comment tes peuples, Seigneur, vont amener à l'accomplissement. Seigneur, ils l'ont dit à la mairie, ô roi de gloire, ils se sont jurés honneur et fidélité. Et c'est toi qui nous as enseigné à mettre en pratique dans ta parole, Seigneur, dans Malachie chapitre 2, verset 14 à suivant. Tu nous as enseigné, Seigneur, ô roi de gloire, que tu règnes en répudiation. Père, tu as dit, Seigneur, j'en veux à toi, toi qui étais infidèle à la femme de ta jeunesse. Seigneur, ô roi de gloire, ils sont conscients de toute cette parole, Seigneur. C'est pourquoi, ô roi de gloire, avec ta force et ta volonté, ô Saint-Père, ils ont inspiré en toi, à ton secours, afin que tu rentres ici possible. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont honoré ici, car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nous mangeons soit honoré de tous. Et nous sommes ici pour honorer, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée dès le commencement. Seigneur, je veux te dire que toute ta gloire nous vient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te dise Amen. Amen. Amen. Dans cette même présence, je vais laisser la parole au frère, afin qu'il donne quelques. Les occasions que nous avons dit tantôt. Amen. Frère Junior, la parole est à toi. Dis-le regard de caméra là qui est derrière moi. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la famille et tous ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui, c'est-à-dire l'heureuse du jour et l'heureuse, surtout l'heureuse du jour. Vous allez me permettre d'ajouter un petit retard qui n'est pas, qui n'en est pas un à cette soirée. Nous vous demandons pardon déjà pour les quelques heures de retard que nous avons eu tout au long de la journée. Et cela nous a pénalisé, nous tous, y compris moi et vous. Mais la phase qui nous attend maintenant, on ne sera plus en retard là-dedans. Donc si vous permettez, je vais parler d'un petit sujet de quelques minutes, le temps que tout se prépare. Il y a une petite histoire que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui qui est une prophétie biblique. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit que le moment où il va revenir, des gens seront en train de se marier. Donc vous et moi, nous sommes dans la prophétie maintenant. Il a dit que quand il va revenir chercher son église, les gens seraient en train de se marier. Les voici à la table d'honneur. L'homme et la femme sont en train de se marier. On dit, les gens marieront leurs filles. Les parents sont là pour marier leurs filles. Les hommes sont en train de se marier. Ils sont en train de se marier là maintenant. Vous êtes en train de participer à la fête comme moi. Jésus a dit ça dans la Bible. Que quand il va venir, ça sera comme ça. Mais il y a un problème. Il ne dit pas qu'on ne doit pas se marier. Ceux-ci ont osé accomplir la prophétie, y compris vous, y compris moi. Nous avons tous osé. Moi, j'ai osé participer à cette fête. Pourtant, Jésus m'a dit dans la Bible que quand il va venir, il va trouver des gens en train de se marier. Donc, s'il vient maintenant, me voici aussi dans la fête. J'ai osé. Eux, ils ont osé. Jules a osé regarder parmi toutes les jeunes filles. Et Dieu seul sait combien les filles sont belles en cette génération. Il a choisi la plus belle d'elles. Celle qu'il a choisie aujourd'hui. Donc, il a osé. En faisant son choix n'a pas été facile. Il a dû braver des obstacles pour faire ce choix-là. Et quand il a fait ce choix-là, le choix-là était unique, destiné pour lui. Un cœur et une cœur bien joints pour que ça forme une seule âme. Et ça, c'est pour toujours. Il en est conscient. Alors, vous avez osé également venir participer à sa fête aujourd'hui, comme moi-même j'ai osé vous assister ce soir. Mais il y a quelque chose que nous devons tous oser. C'est de servir le Seigneur Jésus-Christ par la repentance d'abord. Donc, nous devons oser, il y a quelqu'un qui me persécute ici, comme je vous avais dit également. Nous devons oser ce soir faire un pas devant le Seigneur. Je vous ai dit, nous sommes en train d'accomplir la prophétie. Jésus, notre Seigneur, a dit, lorsqu'il va venir, les gens mariés, ils étaient dans la fête, dans les festivités. Il ne décrit pas la fête, il décrit l'état des cœurs des gens qui seront dans la fête. C'est pour cela qu'il nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 8, il dit, célébrons donc la fête. Non avec du levain, mais avec la pureté de cœur. Non avec la malice. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il demande de célébrer la fête. On doit célébrer la fête étant prêt. De telle enseigne que si Christ Jésus entre en action maintenant pour venir vers nous, que nous partions avec lui. Parce qu'il y a un autre mariage en dehors de ceci. Ce mariage-ci est en train de prophétiser le mariage entre Christ Jésus et son église épouse, qu'il a lui-même préparé. C'est pour cela qu'il a scellé par son sang en mourant à la croix. Et tous ceux qui sont de cette église-là doivent se repentir pour se joindre à cela. Il a versé son sang pour que les gens viennent à lui par la repentance. Et si vous êtes parti, vous faites partie de cette église épouse-là, dans cette salle ce soir, dont vous n'avez pas été donc dans la repentance, il faut oser comme ceux-ci ont osé en faisant le choix. Bonne soirée. Merci frère Junior. J'espère que vous avez été bénis. Tu continues un peu là. Parce que la part des rotations et les frères.